cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma hiya al-qa'idatu al-thalitha? Akhir qa'ida akhadna hadhi al-asma wa sifat. Tafadhal. مجهولة باعتبار آخر. ما معنى هذه القاعدة؟ أحسنت. أننا نعرف المعنى ولا نعلم الكيفية. تعرف المعنى بماذا؟ لأن النصوص الأسماء والصفات بالعربية. الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم، والكيفية معلومة أو غير معلومة؟ نعم، ما عندنا نصوص في بيان الكيفية. هذه القاعدة رد على من؟ المفوضة. ما هو مذهب المفوضة؟ فوضوا معانيها أو علم معانيها إلى الله عز وجل، وهؤلاء الضلال. شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ستة دي سكو سامبليك لقول دو هؤلاء الضلال. كسكي كسرابل أن قول المفوضة سامبليك ضلال كبير. أحسنت. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن ويدعو إلى هذا القرآن وهو لا يفهم معاني هذه الآيات، وهذا طعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم. قول المفوضة إلى غاف كما تقدم. فالتفويض يكون في الكيفية لا في المعنى. سأخ خلاصة هذه القاعدة، أن التفويض أي لا تعلم الكيفية، أما المعنى فمعلومة. القرآن الذي بلفظ عربي واضح مفهوم. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله القاعدة الرابعة سأصلها تغني الغج هي المهمة جدا، لأنه يفرض على المنحرفين في هذا الباب. قال رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف حسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه القاعدة سي لا سويت دو لا ثوازيام. فظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. لماذا؟ لأن هذا القرآن الذي لغة العرب والألفاظ العربية معلومة معروفة، فأنت si t'entends لفظ اليد automatiquement tu vas comprendre tu comprends بلغة العرب. لكن شيخ العثيمين الآن يبغى تمونتخي أن السلف باللغة العربية سمعنا elle dépendra du سياق أي la formulation. Ça dépend كذلك de l'إضافة، comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Saliyat, mathalan, si t'entends yad, tu comprends une main. Si t'entends yad al-hirra, ay la patte du chat, tu vas comprendre une main. Ça avec des poils, avec des griffes, c'est une petite patte. Si t'entends yad al-insan, tu vas comprendre une main. Si t'entends yadullah azza wa jal, ça sera une main, لكن pas comme les mains précédentes. لأنها أضيفت إلى رب العزة جل وعلا. الانحراف il est venu من هنا. بعض الناس ils ont entendu yad, Allah il a des mains, ils ont compris comme les mains de makhlouq. لا، لأن أنت لابد تنتبه أن اليد هنا أضيفت إلى الله. Elle ne peut pas être comme la main du makhlouq. لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. Allah il a formé une main ou deux mains Et il est informé que rien ne lui ressemble. Bah, Anta, tu conclus, il a deux mains qui ne ressemblent pas aux créatures. Et on va voir sur le Témin, il va Rab. Elle a deux groupes. Al-Mushabbiha, Mumathila. Ils ont fait ressembler Allah à la créature. Les mains, deux mains, ils ont compris comme la créature. Ils se sont égarés. Il va Rab à l'autre groupe. Kadhalik, ils ont entendu deux mains. Ils ont fait ressembler à la créature. Comment ils ont dit Allah, il ne ressemble pas à la créature. Ça implique qu'il n'a pas de main. Pour eux, enfin, deux extrêmes. Nous, juste au milieu. Allah, il a deux mains. Il ne ressemble pas aux créatures. Ça implique que ces deux mains, c'est des vraies mains. Lakin, elles ne ressemblent pas aux créatures. Qala Ibn Taymiyyah, fal kalima al wahida yakun laha ma'na fi siyaq wa ma'na akhar fi siyaq. Fi siyaq akhar. Dans la langue arabe, même dans les autres langues, tu peux avoir une kalima. Si tu la places cette kalima dans une phrase, tu auras une ma'na. Si tu la places dans une autre phrase, tu auras peut-être un autre sens. Cheikh Ibn Taymiyyah, il veut te montrer Anna. Matalana al-yad, ça dépend. Udhifat ila man. Si c'est ila l'insan, c'est la main d'une personne. Si c'est ila Allah, c'est la main d'Allah. Elles ne se ressemblent pas. Hada qui veut te montrer. Amma, al-dhullal wa al-bab, ils ont mélangé. Ils ont eu un lave pour eux, c'est toujours la même ma'na. La main pour eux, c'est forcément la main d'un être humain. Hada dhullal. Qala, wa tarkib al-kalam yufid ma'na ala wajh. Ala wajh. Wa ma'na akhar ala wajh. هذا واضح. Ça dépend du siyaq et de l'idafa. Le siyaq, c'est la formulation de la phrase. L'idafa, مثلاً, يد الله. يد البشر. C'est une idafa. Et l'yad, elle est à Allah عز و جل. Dans la deuxième, l'yad, elle est l'il-makhlouq. Enfin, ça dépendra. Si tu dis yad, Amr, c'est pas comme tu dis yad Allah. Abadan, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فلفظ القرية. Il va donner un exemple. Al-Qarya. Al-Qarya, c'est un village. Qala, mathalan, yuradu bihi al-qawm tara, wa masakin al-qawm tara al-ukhra. Al-Qarya, dans la langue arabe, ahyanan, comme j'ai dit dans le Coran, Al-Qarya, c'est bimana les habitants. Et ahyanan, Al-Qarya, c'est bimana les habitations. Et le village lui-même. قال فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. الله سبحانه وتعالى إذا با عذب لكونستركسيون أبدا. الآن المراد بالقرية سي لي زابيتون. فلهذا قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فلا شك أن الهلاك والعذاب هنا سيزابيتون. قال ومن الثاني أي القرية بمعنى أي الكونستركسيون. قال ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إن مهلكوا أهل هذه القرية. فهنا إلى جي أهل لزابيتون دو سيت قرية. فالمراد هنا القرية سي لا كونستركسيون المهم أي لزابيتون كي فيف دو سيت قرية. لفظ القرية سي لو ميم مو قرية قرية لكن لو معنى شونج دون لو بروميي القرية سا فو دير لي زابيتون دون لو دوزيام القرية سا فو دير لا كونستركسيون. شيخ ابن عثيمين يتمونت دون لا لونغ عرب سي تو فو كومبخوندر لو لفظ تو دوا غاردي السياق والإضافة. ففي باب الصفات سا فيت من هذا الباب. سي تا يد فلان enfin, ça sera une main par rapport à Fulan, un être humain maintenant. Si t'as Yadullah, là, c'est une main, une vraie main. Léan Allah, il a dit Yad. Lakin, ne crois pas qu'elle ressemble à celle des créatures. Léan Allah, il a Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a informé, elle n'a rien à lui ressemble. Un autre métal, Al-Ain. Al-Ain, fil l'orat al-arab, il y a plusieurs ma'an. Ça peut être Al-Ain, ma'rouf, l'œil. Ça peut être l'œil, aïe un jassous, un espion. Fait le roi de l'arabe, il l'appelle aïn. Aïn ou aïn. Lakin le ma'na, elle change. Kazalik, il y a un autre ma'na, aïn, aïn ou le ma. Aïe la source. La source d'eau, il l'appelle en arabe l'aïn. Al-aïn, l'aïn, on a trois ma'an. Si je te dis maintenant, tu peux aller nous chercher de l'eau, barak l'onfique, dans, dans Al-Ayn, qui est à cet endroit, à cette source, on l'appelle l'arabie Ayn, est-ce que tu vas comprendre? Tu vas aller chercher de l'eau d'un œil d'un être humain? Abadan. Pourtant, Ayn, c'est Ayn. Enfin, ça dépend de quoi? Du siyaq. Si je te dis, j'ai mal à l'œil, regarde ce qu'il y a dans mon œil, Allah Alam, j'ai quelque chose. Et tu vas et tu regardes dans la source d'eau. C'est impossible. Il y en a un siyaq, c'est mon œil. Toi, tu vas regarder si j'ai pas quelque chose dans l'œil. C'est ça l'ouvrage de l'arabe. Anna al-qawm, ils ont mélangé. Maintenant, si on revient au sifat, il a udhifat sifatun ila Allah subhanahu wa ta'ala, فلا شك أن الصفة الغصن باسل دكاتشو لأنه بظهر أن السبب للحرف سيء التمثيل شتى طائفة ils ont pensé qu'Allah il ressemble à la créature. Emma, ils sont restés sur cette aqidah wal iyad billah, ils ont dit Allah il ressemble à la créature, al mushabbih al mumathila. Emma, ils ont dit là Allah il peut pas ressembler aux créatures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Allah il n'a pas de sifat. Nahnu la on dit أن الله إلى لا صفة لكن يغصبك خاطر إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل عقيدة أهل السنة. الآن vous avez compris cette مقدمة. شو معتمين يبغون يروا avec cet exemple. أي c'est que les alfab ça dépend du siyaq et ça dépend de l'إضافة. فقال شو معتمين وتقول un autre exemple. صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. Une personne dit j'ai fabriqué cette chose avec mes mains. Il a fabriqué un meuble, maintenant un menuisier. Il dit j'ai fabriqué ce meuble avec mes propres mains. On a compris que il a fait le meuble avec ses mains. Al-an Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an lima khalaqtu bi yadayya. Est-ce que tu comprends les mains du menuisier comme les mains d'Allah? Les mains du menuisier, c'est des mains d'êtres humains. Les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est les mains d'Allah. Maintenant, on sait qu'Allah il a des mains, mais elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. On dit qu'il y a un lien dans le midal. On dit qu'il y a un makhlouk. Fatakoun munasibatun lah. Et dans l'aïe, on dit qu'il y a un khalik. Fatakoun laïqatun bih. Fala ahad salimul fitra. Sarihul aql. Yataqid anna yad. الخالق كيد المخلوق أو بالعكس هذا مفهوم قال شبن الطيمين ونقول un troisième exemple ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك تأمل الآن c'est un exemple pour te montrer que la formulation de la phrase elle est importante في المعنى الآن t'as les mêmes mots ما عندك إلا زيد. T'as quatre mots. Ma, indak, illa, zayd. La deuxième phrase, c'est les mêmes mots. Sauf qu'ils ont été inversés. Ma, zayd, illa, indak. Mais les quatre mots, c'est les mêmes. At-tertib, c'est pas le même. Enfin, ça va changer le ma'na. Enfin, le ma'na, ma, indak, illa, zayd. Ça va être quoi le ma'na? Ma, indak, illa, zayd. Et chez toi, il n'y a que zayd. La deuxième, wa, ma, zayd, illa, indak. Indaman. Ahsant, wa ma zayd illa indak. Peut-être qu'il y a zayd et des autres frères. Lakin la première, ma indak illa zayd. Chez toi, il n'y a que zayd. Khalas, il est tout seul. Alors que c'est les mêmes mots. Lakin c'est quoi qui a changé le ma'na? C'est as-siyaq, tertib al-kalimat. Ben ça c'est mohim. Ça te montre qu'on a la langue arabe. Si tu veux connaître la ma'na d'une chose, tu regardes as-siyaq ou al-idafa. C'est pour ça qu'on le voit à Hyanat. Wa'ad al-ikhwan. Ils font des traductions. Ou il lit un livre et il a un dictionnaire, mathalan, et il ne comprend pas le siyaq de la phrase. Enfin, il va chercher le mot. Grâce à un dictionnaire, il ne donne pas tous les sens. Mathalan, ça parle de Aïn. Aïn ma. Enfin, il va chercher dans Aïn, il va voir un œil. Et il ne comprendra pas. Il ne verra pas la relation entre les deux sens. Amma, s'il connaît le ma'na, la shak Aïn, il va chercher plutôt dans la source d'eau. Anta, si tu veux comprendre le kalam l'arabe, le mot que tu n'as pas compris, regarde le siyaq. C'est quoi cette phrase? Ça parle de quoi? Tout le monde, tu cherches dans ton dictionnaire et tu verras maintenant Aïn, ils mettent plusieurs sens. Ils mettent œil, ils mettent espion, ils mettent source. Anta, ton ton siyak, tu sais que ça parle de montagne, d'aller chercher de l'eau. Là, chez l'aïn, on a, tu vas dire c'est la source. Le siyak, il va avec le mot. Hada, c'est mohim. Qala Cheikh Al-Uthaymi. Qala fa tufid al-jumla thaniya ma'na ghayra ma tufidu al-ula ma ittihad al-kalimat. لكن اختلف التركيب فغير المعنى بها أو فغير المعنى بها نعم هذا واضح الناس كيف لا ديفيرونس الان سي الترتيب قال واذا او اذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني الان سي تكون قصه مقدمه فنصوص الصفات اي الان اللي غنوا صفات الله عز وجل فاليد اذا اضيفت الى الله أنت تكبرون أوتوماتيكمون سين مان بالله عز وجل. أسكا لكم سالت كراتور أبدا لأنها أضيفت إلى الله. إي الله نوزا فورمي ليس كمثله شيء. فهذا صديت أوتوماتيك. لأنها أضيفت إلى الله. إي توا تسيك الله يغصب على كراتور. قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. الآن إذا كومونسي الرد على الضلال في هذا الباب. عقيدة السلف Comme on a déjà vu plusieurs fois, يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات كاملة تليق به جل وعلا ويبتعدون من محذورين comme on a vu, c'est car de deux choses graves, التكييف والتمثيل. C'est ça عقيدة السلف. إثبات بلا تمثيل. يثبتون الصفة مثلا صفة الوجه يثبتونها بلا تمثيل. الله il a un visage mais il ressemble pas au visage des créatures. C'est ça عقيدة السلف. Et en même temps ينزهون الله ينزهون الله عن النقائص والعيوب تنزيه بلا تعطيل sans faire de تعطيل. Ils disent مثلا Allah subhanahu wa ta'ala, son visage n'est pas comme celui des créatures. Est-ce que ça veut dire qu'Allah n'a pas de visage là? Allah, son visage ne ressemble pas à celui des créatures. Ce tanzir, il n'implique pas un ta'til, qu'on nie la sifa là. Enfin, Allah, il a un visage, il ne ressemble pas à celui des créatures. Là, qu'il a un vrai visage. Ce visage, il ne ressemble pas à créature. Comment il est? Allah ta'ala. C'est ça, l'aqidat al-salam. Comme on a dit, tu as deux extrémités, deux égarements. Un groupe, ils ont fait du rouleau vers l'Izbat. Ils ont dit Allah il a un visage. Lui il comprend qu'un visage que la créature a là. Enfin, il dit Allah il a un visage, enfin, c'est comme celui de la créature. Wal'iyadu billah. Alors que la créature eux-mêmes, ils n'ont pas le même visage. Amma wa il dit là Allah il a le même visage que la créature. Ça c'est, il s'est égaré. Deuxième extrémité qu'on va voir, Annahum, pareil. Ils ont la même muqaddima. Ils ont dit Allah il a un visage. Pour eux, c'est le visage, la créature. Ils connaissent qu'un visage, celui de la créature. Enfin, ils se sont dit, on ne peut pas dire qu'Allah il a le visage d'une créature. Enfin, ils ont fait du ta'til. Ils ont dit, en fait, c'est pas un vrai visage. Allah il a du visage, mais c'est pas un visage. Et ils sont divisés hein, là, en plusieurs. Pardon, ils ont dit il n'a pas de visage du tout. Allah il a du visage, mais c'est pas un visage. Les autres, ils ont dit visage. Allah il a voulu dire la satisfaction. Il a voulu dire telle chose, telle chose, telle chose. Enfin, tu as deux égarements et un juste milieu que Cheikh Ibn Taymiyyah il va nous expliquer. Et on l'a vu, on répète. Inch'Allah, nastavid. قال وقد انقسم الناس فيه الى ثلاثه اقسام القسم الاول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وابقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والذين لا يصدق لقب اهل السنه والجماعه الا عليهم هم قسم اهل الحق السلف الصالح اهل السنه كم الى سيتي شغل تيمين ظاهر دو صفه مثلا الله الى دو ما الظاهر سي سي دي فريم سي دو ما سي الله سبحانه وتعالى ال بو با رسمبل او كراتور اسكو سي دي فريم نعم رد على المفوضه اسكو سي دي ما كي رسمبل او كراتور لا رد على المشبهه الممثله كذلك سي دي فريم رد على الأشاعرة الضلال كومو ألسو الله أعلم سيسا عقيدة أهل السنة يبخل النص بالظاهر يكون بخل بلغة العرب لكن ça ressemble pas aux créatures et on ne connaît pas le comment. هذا واضح. C'est toutes les règles qu'on a vues. قال وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون كأنه يحدون من الحد قال فيه صفة محصورة أو صفة محصورة المهم من هذا الكلام on va pas le détailler نحن لكن المهم سنقل الإجماع أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات أي ils acceptent les صفات qui sont dans le kitab ou sunna sans faire de tatif sans faire de tahrif les mains c'est des mains sans faire de tabdil ça عقيدة أهل السنة فهذا الكلام il est واضح من ابن عبد البر نقل إجماع السلف على ذلك وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل لا يجوز الرد هذه الأخبار comme ils font à l'Ozalal. Allah, il a un visage, ils disent là, il n'a pas de visage. Là, il joue Zad. Ta'ala, wa tachagul, bi ta'wiliha, wa l'wajib, hamluha ala zahiriha, wa annaha sifatullah, la tujbe zubat sa'ir al-mawsufin biha, min al-khalq, wa la yu'taqid al-tushbih fiha, wa la yu'taqid al-tushbih fiha, lakin ma ru'ya'ni l'imam Muhammad, wa sa'ir al-a'imma. Ta'ala, wa naqala dhalik, an ibn Abd al-Barr, wal qadhi, sheikh al-Islam, ابن تيمية في الفتاوى أو في الفت نعم في الفتوى الحموية من مجموع فتاوى لابن القاسم نعم شيخ الإسلام إلى نقل la parole d'Ibn Abd al-Barr et de du قاضي أبو يعلى لأنهم ils sont avant lui ابن تيمية رحمه الله il est venu après eux il a rapporté leurs paroles يعني pour montrer عقيدة السلف قال وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين شيخ ابن عثيمين الآن يبتمدخ أن طريقة السلف c'est ça le chemin droit t'as pas le droit de laisser pour deux choses قال الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف لا شك أن السلف Ils ont pris cette aqida du kitab al-sun. Maintenant, l'aïmat salaf, ils disent Allah il a deux mains. Qala azzawajal bal yada'u mabsoutata. Allah il a un visage. Wa yabqa wajhu rabbik. Allah il descend. Yanzilu rabbuna. Allah il est au-dessus du arche. Ar-Rahman ala arshi stawa. Ah, kada. Manhaj al-salaf, يعني il est en concordance avec les textes. Qala al-thani. أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم الحقيقة إجماع السلف السفي لكن si on pense de masala comme une masala khilafiyya الآن السلف ils ont un قول les autres qui sont venus après ils ont un قول إما السلف ils ont الحق إما ceux qui sont venus après ils ont الحق قال الشيخ ابن عثيمين والثاني باطل C'est bâtel. Celui qui dit que le haq n'est pas le salaf, il est ceux qui sont venus après, ça veut dire que toutes ces générations de salaf, ils étaient à la bâtel. Ça, c'est impossible. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré Anna ha'oula, c'est khayrun nas. Comme a dit Allah sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni. Thumma alladhina yalounahum, thumma alladhina yalounahum. La chèque l'an, anna l'haq, il est avec le salaf. Tu délaisses le qawl ghayr al-salaf et tu prends le qawl des salaf. Et inshallah, tu seras à la haq. في هذه المسألة وفي غيرها قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين له بإحسان تكلموا بباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده نعم لأنه مجمعون على ستعقيدة كل ستين قال وهذا يستلزم أن يكونوا أي السلف إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه دو شوف سامبليك كذلك النصي السلف leur عقيدة elle était fausse إما ils connaissaient pas et ils se sont trompés par ignorance ça c'est grave ça veut dire que la personne il prétend que السلف c'est des ignorants إما c'était pas des ignorants ils savaient لكن ils ont caché le حق هذا c'est un autre الزام grave لأن c'est de la خيانة والسلف c'est أبعد الناس عن ذلك السلف من الصحابة ومن بعدهم الله سبحانه وتعالى il les a cités في القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله اللي ساتسفيدو. قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سي يكخوا أي سو كي فين أبقى كم vous avez cru ils seront sur le bon chemin. Ça montre que عقدة السلف c'est le bon chemin. الرسول صلى الله عليه وسلم il les a zekis كذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أي ses compagnons après lui أبو بكر عمر عثمان وعلي. لا شك أن هؤلاء ils font partie du salaf et leur عقيدة c'est la bonne. فهذا سنقول خطير. قال وكلاهما باطل أي les deux le fait que c'est des ignorants ou ils connaissaient ils ont caché la vérité les deux c'est باطل لأن السلف ils sont أرفع من هذا. قال وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. نعم si les implications qu'on a citées elles sont fausses فلا chose elle-même أي que les salafs ils sont pas à la حق c'est faux. قال فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. نعم فهذا سواضح واضح أن الحق إلى ذلك السلف لأنهم ils ont pris العلم من الرسول ils ont compris le Coran mieux que nous ils ont une tazkiya من رب العالمين ومن رسوله الأمين. فلا شك أن tout ça ça montre que c'est eux qui sont على الحق. كذلك أن الأمة ne peut pas se rassembler على ضلال لأن السلف كما نقل ابن عبد البر رحمه الله ils étaient tous rassemblés à la cette aqida. خلاص si la umma se rassemble sur une chose ça peut pas être un égarement ابدا. L'égarement il est venu après لا تجتمع امتي على ضلاله قال عليه الصلاه والسلام. Ça c'est le قسم الاول. قال القسم الثاني deuxième قسم اي on a dit les personnes dans ce verbe ils se divisent en trois. Le juste milieu, Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité en premier. Il l'a cité en premier, les annahum, c'est le haq. Enfin, il mérite d'être cité en premier. Thumma, al-an, il va citer les deux extrêmes. Qala al-qismu al-thani man ja'alu al-zahir al-mutabadir min nusus al-sifat ma'na batil an la yaliqu billah wa huwa al-tashbih. Et on avait dit an al-afdal wa al-awla al-ta'bir bil-tamthil. التمثيل سأدق سبلو بخسي اي توسا علم. قال وأبقوا دلالتها على ذلك. فهؤلاء الآن ils ont compris des textes ils ont compris أن الله سبحانه وتعالى أو ils ont entendu أن الله سبحانه وتعالى il a des doigts pour lui c'est les mêmes doigts que toi. هؤلاء ils sont égarés من هذا الباب. قال الشيخ العثيمين قال وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. إذا مدخي رحمه الله أن هؤلاء سيدزيغاري إذا مدخي بخوا. أولا قال الأخ كمال وفقه الله في الحاشية قال المشبهة هم على قسمين يدو السقد مشبهة قسم شبه الخالق بالمخلوق إذن في غصم لله à la créature. Et c'est Allah, pour eux, il ressemble à l'être humain. T'as un deuxième qism, c'est le contraire. L'être humain, il ressemble à Allah. Le premier qism, il a donné des exemples. قال قول الهجامية أن الله لحم ودم. T'as une secte, elle s'appelle الهجامية. Ils disent أن الله لحم ودم. Et ils l'ont fait ressembler à la créature. Il a du sang et de la chair. والعياذ بالله. قال وقول الجوالقية أن الله على صورة إنسان. هؤلاء ذي كفار. لا تشك في كفرهم. هؤلاء يقولون أن الله il a l'apparence d'un être humain. والعياذ بالله. قال الثاني on est toujours dans الحاشية قسم شبه المخلوق بالخالق. تفعل بعض الصوفية الغلاء. الذين أوصلوا بعض مشايخهم لدرجة الألوهية. نعم. Certains صوفي des دلال ils ont élevé certains de leurs مشايخ au niveau de الألوهية. Ils les adorent et يعتقدون qu'ils ont des صفات كاملة. مثلا son شيخ il connaît l'invisible. على كل حال ce قسم c'est des دلال et il est واضح. Cheikh Ibn Taymiyyah الآن il va détailler pourquoi ou montrer leur égarement من وجوه. قال الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. فكيف يكون المراد بالتشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. لأن الله سبحانه وتعالى يموت كلا دي صفات. Son prophète sallam kadhalik yamut. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala montre annahu il ressemble pas aux créatures. Wahid vient dit il ressemble aux créatures. Hadha al'an c'est jinaya. Jinaya c'est un crime ala an-nusus. Qala athani an al-aql dalla ala mubayanat الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما et ça on l'a déjà vu قبل أن العقل il sait qu'il y a une différence entre le créateur et la créature هذا لا شك فيه une personne qui a un عقل سليم une فطرة il sait la différence entre خالق et المخلوق ça se ressemble pas أبدا قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا ان السلف ils ont jamais compris هذا si tu prétends en ta que tu as compris ce qu'ils ont pas compris السلف c'est de l'égarement enfin ça serait حق السلف ils l'auraient compris avant toi السلف ils ont jamais compris هذا ابدا c'est du كفر واضح قال فان قال المشبه الان il va citer une شبهه فان قال المشبه اي المشبه الان il va prétendre une chose انا لا اعقل من نزول الله ويده إلا مثل مال المخلوق من ذلك والله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله فجوابه من ثلاثة أوجه الآن المشبه peut dire أنا je lis le Coran il est en langue arabe et dès qu'Allah il dit main il dit visage c'est sunna Allah il descend moi je comprends que comme les makhlouq. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent dans le Coran, il est clair, Allah il nous a parlé avec des choses qu'on connaît. Enfin, la main, moi, je connais quelle main? C'est la main du makhlouq. Enfin, Allah il a dit main, donc il a cette main. C'est ça. Et elle est bâtie là. Elle est wadiha fil mutlaq. Lakin Ibn Taymiyyah il va détailler. Qala min thalathati awjuh ahadiha. Qala anna alladhi khatabana bidhalik huwa alladhi qala an nafsihi laysa kamithlihi shay. ونهى عباده أن يضرب له الأمثال أو يجعل له أندادا فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض أولا on dit à ce مشبه أن الله سبحانه وتعالى il a informé qu'il a deux mains فأنت tu prétends Allah il nous a montré qu'il a des mains, donc c'est comme les mains que tu connais, la main des créatures. On lui dit c'est pas possible là. Mais Allah il a informé qu'il a des mains et il a informé qu'il ne ressemble pas à la créature. Enfin, pourquoi tu prends qu'un côté? Tu serais sincère, véridique, tu voudrais le haq, tu prends les deux. Allah il a deux mains et il ne ressemble pas aux créatures. Là qu'ils ont pris un côté et ils ont délaissé l'akhar. Ça vous montre. C'est de prendre une partie de Adillah et de délaisser le reste. قال ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات est-ce que ذات الله عز وجل elle est comme ذات المخلوق automatiquement il va dire là sauf certains groupes comme on a vu ils disent Allah il a le corps d'un être humain والعياذ بالله أما غالب المشبهة لا ils sont pas على هذا il va dire là فسيقول بلى اي يسيك ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقات الا هذا قال فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات ان القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فهذا تناقض الذات ذات الله elle ressemble pas à ذات المخلوقات il va te dire na'am, tu lui dis as-sifat, ça suit dhat si dhat il n'est pas pareil as-sifat ils ne sont pas pareils hadha c'est un jawab qawi pour ceux qui reconnaissent que dhat c'est pas le même qala thalithuha troisième rad an yuqal alasta tujahid fil makhluqat ma yattafiq fil asma wa yakhtalif fil haqiqa wal kayfiyya fa sayaqulu bala wa hadha c'est min aqwa ar-rudud لأن هؤلاء أصدق عقلانيون، هذا الرد الآن سيفعل تخبيه son عقل، s'il lui reste un peu d'عقل. لأن شو بنقول تامين؟ يقول لي، est-ce que dans la créature، مثلاً، on prend صفات le visage، est-ce que toutes les créatures elles ont le même visage؟ Il ne peut pas dire oui. S'il dit oui, c'est un menteur. Hada, il a un visage d'une couleur. Hada, il a un visage plus large. Hada, il a un visage plus fin. Tu vas avec les animaux. Hada, il a un museau. Hada, il a des poils. Hada, il a... Ce n'est pas les mêmes. Le visage d'un chat, c'est pas le visage d'un éléphant. Abedem. Al-An, il va répondre automatiquement oui, si c'est pas Mohamed. Il va dire naam. Kadhalik, tu prends ce vat al-Qouwa. La force. C'est ce vat. L'être humain, il a une force. L'éléphant, il a une force. La fourmi, elle a de la force. Est-ce que c'est les mêmes? Abedem. Ça, ça va impliquer Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette sifa al-Qouwa, lakin, c'est pas comme celle de la créature. Et ça, c'est min aqwa al-Rudud. Fasa yakoulu bala, fayuqala lah. إذا عقلت التباين التباين أي الاختلاف الفرق بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق si tu as reconnu la différence entre les sifat des créatures pourquoi tu ne reconnais pas cette différence entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature قال مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات il est مستحيل et c'est du كفر celui qui fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature il كذب القرآن Allah il dit ليس كمثله شيء هو il dit si Allah il ressemble هذا c'est du كفر قال القسم الثالث troisième قسم الآن on a fini عقيدة السلف juste au milieu on a fini le premier extrême ils ont fait ressembler Allah à la créature on a dit أولى الآن ils sont rares leur madhab il est batil il est واضح في البطلان فلهذا العلماء dans leur redout ils rentrent surtout sur le troisième cas ou le deuxième extrême plutôt أما المشبهة il est واضح le madhab qu'il est batil قال رحمه الله القسم الثالث troisième partie troisième catégorie من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلة لا يليق بالله وهو التشبيه الآن هؤلاء on va voir ils ont fait du ta'til ou du tahrif لكن avant de faire التعطيل ils ont fait du تشبيه du تمثيل لأنهم au départ ils ont fait comme l'autre extrême مثلا ils ont lu un verset Allah il a deux mains automatiquement dans leur aql, menkous, ils ont compris, c'est comme les mains des créatures. Ils se sont dit, c'est pas possible. Les Allah, ils ne ressemblent pas à la créature. Enfin, ils ont pris l'autre verset. Ils ont dit, là, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, là, on ne peut pas dire qu'ils ressemblent aux créatures. Laquelle il reste ce fait des deux mains. Tu fais quoi? Le verset, il est clair. Ils ont dit, Al-Ma'na, c'est la force. Ou, Al-Jahmi, Al-Mu'tazila, ils ont dit, il n'a pas de main. Ils ont délaissé Zahir al-Nusus. N'oubliez pas la règle qu'on a. Zahir al-Nusus, c'est des mains, c'est des vraies mains. Est-ce qu'elles ressemblent aux créatures là? Comment elles sont? Allah alam. Qala thumma. Après avoir fait du tashbih, qu'est-ce qu'ils ont fait? Thumma. Innahum min ajli dhalik ankaru ma dallat alayhi min al-ma'na al-la'iqa billah. Wa hum ahlu at-ta'til. Ils ont cru, ils ont pensé que si tu dis Allah, il a dit ce fait, tu le fais ressembler à la créature. فَلِهَذَا هَؤُلَا ils appellent أهل السنة مُشَبِّهَا مُجَسِّمَا هكذا ils appellent pour eux, nous, on fait ressembler Allah à la créature لِمَذَا لِيَنَا tu dis Allah il a deux mains نحن là, on dit Allah il a deux mains mais ça ne veut pas dire qu'on le fait ressembler à la créature أبداً قال وَهُمْ أَهْلُ التَّعْطِيلِ سَوَا كَانَ تَعْطِيلُهُمْ عَامًا فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَمْ خَاصًا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا Ça, ça montre أن التعطيل أنواع يا تعطيل كلي أي في الأسماء والصفات الجهمية يا تعطيل جزئي أي يكوى au asma et il renie les sifat al-mu'tazila et à ta'atil kadalik il croit en certains sifat al-asha'ira et il dément le reste on donne l'hashiya nous on descend petit 2 directement qala al-thani ta'atil juz'i wa fihi tawa'if arba al-mu'tazila il y a plusieurs catégories minhum al-asha'ira qala wa man dhahahum min al-maturidiyya وطريقتهم أنه مثبت الأسماء والسبع صفات ليس في الحقيقة هو إثبات وهي مجموعة بقولهم نعم هؤلاء ils ont affirmé les noms comme أهل السنة et ils ont affirmé que cette صفات لماذا؟ لأن cette صفة le aql ne la contredit pas. Vous vous rappelez, on avait divisé les sifat, khabariya, sam'iya et ma'nawiya aqliya. Les ma'nawiya aqliya, il les accepte. Les ma'adha, la raison, elle ne contredit pas. On a dit la raison, elle l'accepte. Famatalan, il les a rassemblés dans هذا البيت الشعري حياة وعلم وقدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقاء. فمثلا صفة الحياة لا في لو اكسبت الأشاعرة. Tu dis est-ce qu'Allah est mutasif al hayat? Il dit non. لماذا؟ لأن العقل لا accepte facilement cette صفة. حتى certaines صفات كالكلام ما أثبتها كالسلف أبدا. المهم الأشاعرة ils ont accepté certaines صفات. لأن le عقل il accepte. أما الخبرية كالوجه واليدين والنزول pour eux là. الآن هؤلاء ils ont un تناقض عجيب. Pourquoi tu ne crois pas qu'Allah il a des vraies mains? Il dit là les mains ça ressemble au makhlouq. Nahlo lui répond et la vie كذلك elle va ressembler au makhlouq. العلم ça va ressembler au makhlouq. La قدرة ça va ressembler au makhlouq. Le makhlouq il parle, le makhlouq il voit. Et هذا الأشاعرة ils se contredisent. فلا تغتر dès que t'entends أشعري c'est un sunni أبدا. C'est des ضلال من أهل البدع. Deuxième قسم المعتزلة. ومن تبعوا من أهل الكلام وهم أثبتوا الأسماء مجازا دون صفات أي مجردة كما on avait vu la قاعدة في الأسماء الأسماء أعلام وأوصاف المعتزلة ils ont enlevé الأوصاف pour eux Allah il est سميع لكن il n'a pas de سمع il a اسم البصير لكن il n'a pas de بصر tous les noms ils les acceptent لكن c'est des noms sans attribut والعياذ بالله هؤلاء معطلة ils ont عطل لصفات قال الثالث غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله إلا بالنفي المجرد عن الإثبات فيقولون الله هو الموجود المطلق والعياذ بالله هؤلاء ils ont renié les noms, les attributs, tout. Tu lui dis est-ce qu'Allah il est vivant? Il te dit Allah il est pas mort. Il peut pas dire il est vivant. S'il te dit il est vivant, pour lui ça ressemble au makhlouq. Enfin, il répond avec l'inverse. Est-ce qu'Allah il a de la qudra? Allah il a pas de faiblesse. Avec le nafi, faqat. Quatrième qism, غلات الغلاة. فهؤلاء sont pires que le troisième. قال ينكرون في حق الله الإثبات والنفي فنفوا عنه الوجود والعدم. Ils ont dit tu peux pas dire Allah il est vivant, tu peux pas dire Allah il est pas mort. Il est quoi? Non, c'est grave. Ils ont enlevé le nafi ou l'ithbat. Tu lui dis est-ce qu'Allah il est موجود? Il peut pas répondre. Il n'est pas موجود, il peut pas répondre. Ni nafi ni ithbat. Falasifa. Ah voilà, c'est les philosophes, والعياذ بالله. Et tout ça, ça va venir en détail fit tadmouriya. Les quatre qis, inshallah, on les verra en détail fit taqrib. هؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف ومذهبهم باطل من وجوه إساء بإذن الله دماء إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك